You'll hear some of that dialogue again in a moment, together with these new words and phrases. As usual, listen, understand, and repeat. Une chambre pour une personne. A single room. Une chambre pour une personne. Une chambre pour deux personnes. A double room. Une chambre pour deux personnes. Avec. With. Avec. Salle de bain. Bathroom. Salle de bain. Où. Or. Où. Une douche. A shower. Une douche.